Evariste Ndikomanyanga. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de la mi-journée de ce 4 décembre 2021. Donc voici d'abord le sommaire. 200 membres sympathisants du parti CNL ont été arrêtés après les élections de 2020, dont une vingtaine extrajudiciairement exécutées. C'est le bilan dressé par le président de ce parti, Valentin Dret. Une personne a été tuée, fusillée par des inconnus au chef-lieu de la commune Rutovu en province Bururi. Rougon Kepelagi, une secrétaire au lycée de Rutovu, a été tuée dans son kiosque vers 20h de ce vendredi, indiquent des sources recueillies sur place. 10 personnes ont été arrêtées la nuit de ce vendredi à samedi en zone Wuhoro de la commune Mabayi. Nous sommes en province Chibitoke et sont accusées de consommer des stupéfiants. Notre correspondant sur place nous en dira plus dans ce journal et dont la mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page justice. 10 personnes ont été arrêtées la nuit de ce vendredi à samedi en zone Buhoro de la commune Mabayi. Nous sommes en province Chibitoke. Des sources en provenance de Buhoro indiquent qu'elles ont été appréhendées en train de prendre du cannabis. L'administrateur de la commune Mabayi confirme cette information tout en indiquant que la police judiciaire a déjà entamé des investigations et que les accusés seront sanctionnés. Les innocents, quant à eux, seront libérés, n'est-ce pas, Alexis Dairakitch? Ces 10 personnes arrêtées la nuit de ce vendredi à samedi à 20h en zone Boro de la commune Mabayi se trouvaient dans un bistrot de la localité appelée Kurubaho. Des sources de Boro indiquent que ces personnes ont été arrêtées en flagrant délit en train de consommer du cannabis. La police a pu appréhender seulement les 10 puisque les autres ont pris le large. Pour le moment, ces mêmes sources affirment que les gens appréhendés sont incarcérés au cachot du poste de police de Mabayi. Ces sources continuent en indiquant que le propriétaire de ce bistrot continue à vendre les produits alcoolisés prohibés dernièrement se trouvant dans les bouteilles en plastique. À part cela, dans la soirée, dans son bistrot, ce n'est que l'odeur du cannabis qui se fait sentir selon toujours ses sources. L'administrateur de la commune Mabayi, Nicodème Ndabonimana, fait savoir que l'administration et la police avaient des informations de consommation de cannabis dans cette localité, que dans cette boutique, que lors de la patrouille de la nuit de ce vendredi à samedi, la police a pu mettre la main sur les 10 et que les autres ont pris le large. L'administrateur Ndabonimana affirme que les enquêtes se poursuivent et que les innocents seront libérés. Les accusés, quant à eux, seront sanctionnés selon la loi. Cette même autorité précisant que le jeudi de cette semaine, une autre personne a été arrêtée, étant présumée accusée de la distribution des tracts, menaçant 15 personnes accusées de sorcellerie qu'elles seront éliminées. Cette personne ayant pris la parole dans une réunion en disant que ces personnes doivent quitter la zone Buhoro. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Économie à présent, le marché financier au Burundi qui sera bientôt mis en place est d'une importance capitale pour le pays car il permettra de collecter les capitaux à long terme. Boaz Nime, expert économiste, précise que ce marché financier au Burundi vient faciliter aux opérateurs économiques d'investir dans des projets plus avantageux. Il a dit ce vendredi dans une conférence débat des représentants des banques et les entreprises œuvrant dans le domaine des finances. Suivez Boaz Nime au micro de Jean-Marie Mayonka. Si vous avez avant un investissement de dépôt dans une banque qui est rémunérée à 3%, alors qu'il y aurait y avoir un autre projet dont la rentabilité est de 15%. Vous comprenez que ce marché vient donner une autre alternative. Plutôt que d'aller investir dans un portefeuille de dépôt à 3%, j'ai une opportunité d'aller investir dans un projet qui me donne une rentabilité de 15%. Donc, il s'agit donc d'un autre mécanisme, d'une autre fenêtre de financement qui s'ouvre dans le paysage financier du Burundi pour que la transmission des différents titres, que ce soit les bons obligations du trésor, que ce soit les titres de participation dans les différentes entreprises, qu'on puisse aller sur ce marché et de les vendre et d'avoir une rentabilité moyennant, bien sûr, une information financière fiable qui est donnée par les différentes sociétés qui cotent donc ces différents marchés. Bien entendu, pour aller sur ce marché, il faut être coté. Pour être coté, il faut être transparent. Pour être transparent, il faut donner des chiffres, la manière dont vous fonctionnez, vos informations financières, pour que on puisse, l'investisseur ou l'acheteur de différents titres, puisse avoir avec certitude le prix des différents actifs financiers qui sont mis sur la bourse. Donc, c'est une opportunité. Donc, si vous avez de l'argent, vous aurez le choix de dire, j'investis dans une banque pour sous forme de dépôt ou je peux aller acheter un titre de participation dans une société. Et là, ça vous donne une marge de manœuvre. Mais actuellement, on n'avait pas ce critère de comparaison. C'était là Boaz Nim, expert économiste. Page éducation à présent. Les écoles fondamentales et post-fondamentales vont recevoir la première partie de subsides du gouvernement burundais pour leur fonctionnement à propos du directeur général des finances et patrimoine et au ministère de l'éducation. Steve Niungabo reconnaît le retard dans l'octroi de ces subsides. L'attente des listes des élèves explique ce retard, ajoute-t-il. Suivez ses propos recueillis par Moïse Msago. C'est un problème lié au mécanisme de transfert de ces fonds au niveau des écoles parce que, vous voyez, au début de l'année, on est obligé de collecter des rapports sur les effectifs des élèves. Parce que ces fonds sont transférés en fonction des effectifs des élèves pour chaque école. Si on transfère les fonds en fonction des effectifs de chaque école, c'est-à-dire qu'on doit attendre au moins au mois de septembre, au mois d'octobre, pour avoir les effectifs actualisés et pour faire le transfert. Je voudrais vous informer que nous avons déjà fait le transfert et les fonds seront disponibles sur le compte des écoles d'ici la semaine prochaine. Poursuivons ce journal et par la page société. 568 chèvres ont été distribuées ce vendredi aux familles des cultivateurs innovateurs des Trois Collines de la commune de Bouguenyudzi, province Karoussi. La coordination de l'ONG locale les Réseau 2000 indique que celle-ci s'ajoutant aux autres chèvres et boucs, aux autres familles de la même localité. S'ajoute aux semences données, la coordinatrice du projet explique que ces ménages sont pour l'exploitation rationnelle de leur propriété foncière et aider leurs concitoyens à se développer. Les détails dans cette correspondance de Blaise Pascal Karalumi. Les 568 chèvres ont été distribuées ce vendredi aux familles des collines Chuba, Kiranda principalement et une petite partie aux familles de Chanskilo comme partie qui était restée. Ces familles bénéficient de 1089 chèvres dont 55 boucs afin que ces familles puissent avoir de la fumure comme l'indique la coordination de l'ONG locale Réseau 2000+. Celle-ci donne ses bêtes en exécution de son projet plan intégré paysan dans la province Karoussi. Fides Sabukwigura, envoyé de la coordination, explique qu'il a été ciblé sur ces collines 1729 ménages choisis par leurs concitoyens, constitués principalement des paysans innovateurs et quelques familles de vulnérables. Il précise que le projet aide le paysan à exploiter rationnellement sa propriété foncière, devient innovateur pour pouvoir se développer et développer les voisins. Il signale aussi que les paysans innovateurs doivent transmettre à leurs concitoyens les connaissances acquises et entretenir la chaîne de solidarité. Elle signale qu'aux familles des vulnérables qui n'ont pas de terre, explique-t-elle, on leur a donné aussi 1000 lapins qui vont les aider pour sortir de la malnutrition. Toutes ces 2000 bêtes étant distribuées après la réception des semences variées de haricots, de maïs, légumes et fruits à ces mêmes familles, le conseiller de l'administrateur communal affirme que les responsables de l'administration à la base et jusqu'au niveau de la commune vont suivre de près ces familles bénéficiaires de ce projet pour la pérennisation des acquis, mais aussi permettre le développement de leurs concitoyens dans la localité. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique à présent, je vous le disais en titre, plus de 200 membres du parti CNL ont été tués arbitrairement, parmi eux 20 tués et les autres portés disparus depuis 2020. Déclaration d'honorable Agathon Rwasa. Ces membres, selon lui, sont accusés d'appartenir dans des groupes armés sans aucune preuve. Suivez plutôt l'honorable Agathon Rwasa. On dénombre plus de 200 cas d'arrestation arbitraire depuis que le président Ndayishimiye est aux affaires. Là, c'est côté CNR sûrement. Plus de 20 morts reportés disparus. Malheureusement, on voit que c'est peut-être le modus operandi parce que ça continue. Même au moment où on échange, il y a des gens qui sont persécutés ici et là, surtout dans les communes de la province de Ngozi. Pour nous, ce qui se passe, c'est un pur harcèlement, parce que si les autorités administratives ou autres sont conscientes qu'ils exercent leurs prestations en vertu de la loi, ils devraient se conformer à la loi. Nul ne devrait être arrêté sans qu'il y ait un mandat quelconque. Et de plus, nous pensons que c'est juste des racolages que l'on fait, où on fait des montages comme quoi ce sont des gens qui participent à des groupes rebelles ou qui détiennent des armes, alors que nul n'a été attrapé avec un quelconque indice de détention d'armes illégales ou d'appartenance à ces soi-disant bandes armées. Le pire, c'est qu'on arrête des quinquagénaires, des sexagénaires, on les accuse de ce genre d'actes. Alors on peut se demander, est-ce que c'est sous quel ciel ou des vieux iraient à la guerre? Par ailleurs, s'ils croient que les gens peuvent penser à aller à la guerre, ils devraient plutôt faire une introspection et voir si leur prestation envers la population est conforme aux aspirations de cette population. Sinon, nulle part un peuple peut penser à se soulever avec des armes s'il est bien traité, s'il est dans des conditions souhaitables. L'honorable Agathon Rwasa demande à la justice burundaise de se ressaisir et d'exercer sa mission. On l'écoute encore une fois dans ses propos recueillis par Médard Niongour. Demandons à la justice de se ressaisir et d'exercer sa mission, à savoir rendre la justice pour aider la société à être stable et à être respectueuse de la loi. Et le respect de la loi commence par le respect d'autrui. Lorsque dans un pays, on voit que la justice penche du côté de celui qui est détenteur du pouvoir au détriment du citoyen ordinaire, là quand même vous comprendrez qu'on tardera toujours à avancer. C'est la justice du plus fort qui est rendue. On voudrait que l'on jouisse d'une justice équitable, on ne demande pas plus. Nous demandons tout autant à la magistrature de sévir contre tous ceux-là qui s'immiscent dans le travail de la justice, de la police et de l'administration. Ici, je veux dire, ces citoyens ordinaires comme tout le monde qui s'arrogent le droit d'arrêter, des fois même d'infliger des sanctions à leurs concitoyens dans différentes zones et dans différents villages du pays. S'ils parvenaient à faire cela et qu'il y ait de la discipline dans ce pays, nous pouvons espérer qu'on pourra s'en sortir. Mais si la justice reste dans son attitude passive devant toutes ces exactions, on aura de la peine à avancer. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique, Pierre Mouriquier, nous a répondu que son ministère n'est pas au courant de ces informations fournies par l'honorable Agathon Rwasa. Page sécurité, avant de boucler ce journal, une personne a été tuée et fusillée par des inconnus au chef-lieu de la commune Rutovu en province Bururi. Rugo Kepelangi, une secrétaire au lycée de Rutovu, a été tuée dans son kiosque vers 20h de ce vendredi, selon l'administrateur communal de Rutovu, qui appelle au renforcement de la quadrilogie et alerté à temps. Selon cet administrateur communal, les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ce crime. Mais Jean-Pierre Misago, correspondance. Les informations obtenues de certains des habitants du chef-lieu de la commune Rutovu et confirmées par l'administrateur communal de cette commune indiquent que la mort de Rugo Kepelagi a été connue peu avant 20h de ce vendredi. C'est en effet, selon ces informations, après la découverte du corps de la défunte gisant dans le sang par une cliente, que la triste nouvelle est parvenue à l'administration et à la police. Le constat sur place a été que la défunte secrétaire au lycée Rutovu a été tuée par balle dans son kiosque commercial avec un fusil dont personne n'a entendu le bruit et ses bourreaux sont partis avec ses deux téléphones selon José Tendaikeza, administrateur communal de Rutovu. Cet administrateur appelle sa population à plus de vigilance et rapporter à temps dans la quadrilogie tout suspect afin d'arrêter des mesures conséquentes. Au moment où les présumés auteurs de ce meurtre ayant emporté la vie de cette femme qui vivait paisiblement avec les autres ne sont pas encore connus. L'administrateur communal de Routovou dit que des enquêtes de la police judiciaire sont en cours afin d'identifier et arrêter les coupables et les traduire en justice. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. Après ce journal de parler langue française, vous aurez droit à la revue de presse avec Sheila Irambona et Jean Bosco Ndouimana. Au revoir. Évariste Ndikomanyanga. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. La pauvreté, catalyseur des violences sexuelles basées sur le genre, écrit le journal Burundi Echo, qui explique que la pauvreté est l'un des nombreux facteurs qui les influencent. Ce journal publie le témoignage d'une fille qui, lorsqu'elle a terminé l'école secondaire à l'intérieur du pays, elle a voulu continuer ses études à l'université du Burundi. Ses parents étaient dans l'incapacité de payer son loyer et ont été obligés de demander à une connaissance de la loger pendant son séjour à Bujumbura. Elle affirme à son confrère avoir été victime de violences sexuelles de la part de son tuteur. Elle a accepté, non pas par consentement, mais par contrainte. Pour elle, poursuit Burundi Echo, c'était une question de survie. Dénoncer son tuteur serait synonyme de créer des ennuis dans le couple qu'il a accueilli par charité et qui subvient à tous ses besoins. Et c'est dans ce dilemme qu'elle est tombée enceinte et s'est vue chassée de cette famille pour être récupérée après une association qui s'occupe de tel cas, rapporte toujours Burundi Echo, qui note que pour question de survie, plus d'une femme burundaise se retrouve exposée aux violences sexuelles basées sur le genre. Cet hebdomadaire socio-économique souligne enfin que, selon les représentantes des associations qui militent pour les droits de la femme, la dénonciation de ces cas, la révision des textes juridiques sur les VVG et l'autonomisation de la femme seraient d'une grande nécessité dans l'éradication de ce fléau. Et selon l'agence burundaise de presse, le Centre de développement familial et communautaire en province Makamba, en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, a réuni à Nyanzala les femmes rapatriées et les femmes leaders pour sensibiliser ces rapatriés à adhérer aux stratégies locales de gestion des cas de violences faites aux femmes et aux filles. Et Net presse de souligner que Krista Kaneza vient de retrouver la liberté en pleine campagne des 16 jours de lutte contre les violences faites aux femmes après 10 mois de détention préventive. Ce quotidien en ligne rappelle que Krista Kaneza, c'est la veuve de feu Thierry Kugimana, assassiné le 25 novembre 2020 et qui avait été accusée d'être complice dans l'assassinat de son mari. Droit de l'homme encore avec le journal La Voix de l'enseignant qui fait remarquer qu'une vingtaine d'écoles sur environ 3000 disposent des notions d'inclusion des enfants handicapés. 8 sur plus de 3000 écoles prennent en charge les enfants vivant avec handicap au Burundi et ce nombre reste insuffisant selon le chargé de l'inclusion à l'UPHB, Union des personnes handicapées du Burundi. Cet hebdomadaire de l'éducation évoque cette situation à l'occasion de la célébration le 3 décembre de chaque année de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Revue de la presse. L'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC se confirme petit à petit, constate le journal Iwachu. Il apporte son ticket gagnant avec de nombreuses opportunités d'affaires pour la communauté et le Burundi en particulier, mais aussi ses défis politico-sécuritaires. Cet hebdomadaire estime qu'à côté des tensions et de la méfiance entre les États membres, la situation sécuritaire reste préoccupante, en particulier dans l'est de la République démocratique du du Congo, où l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles alimentent une économie illégale qui, à son tour, entretient la présence et l'activisme des groupes armés. Pour que tous les États membres de l'EAC tirent profit de l'adhésion de la RDC, une confiance mutuelle devrait les caractériser, suggère son confrère. Aussi, la stabilité en RDC serait un facteur de stabilité régionale. Sa mise en œuvre n'incombe pas à la seule RDC, mais à tous les pays de la communauté. En somme, conclut l'éditorialiste du journal Iwachu, qui fait sien le point de vue d'un expert dans les relations internationales en ces termes, je cite, « L'intégration régionale est un impératif vital, mais comment s'y retrouver dans les chevaux d'organisations qui se chevauchent et parfois se font concurrence et se méfient. » Culture, pour boucler cette revue de presse en coulisses, Burundi Echo révèle que la chanteuse burundaise Laurette Tetero figure parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI édition 2021, que les votes prendront fin le 15 décembre 2021 et la programmation est prévue ce 17 décembre. De son côté, le journal Iwachu annonce qu'Annie Bernice Nikuze, Miss Burundi édition 2017, compte prendre part au concours Miss East Africa 2021 prévu le 17 décembre à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Sheila Irambona et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.